Chapitre 12e. L'été qui suivit la première communion de Suzanne a pris date dans nos meilleurs souvenirs, et pourtant ce fut un des plus éprouvés de ma vie. À peine étions-nous installés à la campagne que je tombais malade. Je crus d'abord ce malaise en gravité, mais tout à coup il s'accentua de telle façon que je fus contraint de me mettre au lit, et le médecin de la petite ville voisine constata l'invasion d'une fièvre nerveuse. Le danger ne se montra jamais très sérieux, grâce à ma robuste constitution. À peine pendant 2 ou 3 jours la maison fut-elle alarmée, mais la convalescence se prolongea beaucoup, et c'est cette convalescence qui fit notre félicité à tous les deux. Suzanne s'entendait à tout, qui lui avait appris à doser une limonade, à mesurer la lumière d'une lampe, à ouvrir et fermer les fenêtres juste au moment avant que j'en eusse pressenti le désir, je l'ignore. Peut-être était-ce un instinct héréditaire, car jamais personne n'avait su comme sa mère apporter la paix et la confiance dans une maison de malades. Quelle joie pour moi, encore faible et impressionnable, de sentir, plutôt que d'entendre ce pas léger comme le vol d'un papillon, aller venir çà et là, mettant de l'ordre et de l'harmonie partout, de voir cette main agile, encore potelée et déjà fine, ranger les plis du rideau, donner la grâce à ma couverture ou porter délicatement un bouillon dans le bol d'argent. Elle goûtait le bouillon de ses lèvres roses, soufflait dessus quand il était trop chaud, et il me semblait que son souffle enfantin passait dans mes veines avec la force et la vie renouvelée. « C'est toi qui es mon enfant, » me disait-elle à tout moment. « Sois bien sage et ne défais pas ta couverture. » Elle me lisait de longs passages de mes auteurs favoris, des nôtres, devrais-je dire, car nous avions tout mis en commun. Je goûtais ses récits de voyage, et elle appréciait les passages choisis de mon vieux Montaigne. Loin de professer l'horreur conventionnelle pour les ouvrages qui pouvaient ouvrir son esprit à des questions qu'on interdit aux jeunes filles, je m'efforçais par une pente insensiblement graduée de lui faire comprendre combien le mariage est chose sérieuse et irrévocable, combien l'amour est respectable et sacré, quel droit et quel devoir la loi donne à la femme. Elle comprenait tout et s'assimilait lentement, sans curiosité, les idées de mariage et de maternité. Pourquoi eût-elle été curieuse? Elle ne savait pas qu'il y eût quelque chose à cacher. L'amour pour elle, c'était mon union avec sa mère. Le bonheur complet, réalisable sur la terre, de vivre avec un compagnon aimé, auquel on dit tout, qu'on associe à toutes ses pensées, à tous ses actes, près duquel on dort, pour ne pas le quitter même pendant le repos, d'élever ensemble, avec les mêmes fatigues et la même tendresse, les enfants qui doivent vous remplacer dans la société. Elle me fit raconter 1000 fois ses premières années, les soins qu'elle nous avait coûtés, comment sa mère était morte après l'avoir sauvée, et je sentais bien que ces récits pénétraient dans son âme pour y affermir le respect de la foi conjugale et de l'amour permis. Quant à l'autre, celui qui n'est pas permis, elle n'en soupçonnait pas l'existence. Je recouvrais peu à peu la santé. Appuyé sur son épaule, car elle grandissait très rapidement, je pus faire le tour du parterre, puis du parc. Nous allâmes nous asseoir au bord de son ruisseau, qui lui avait paru si grand jadis, et qu'aujourd'hui elle franchissait d'un bond comme une jeune amazone. Nous visitâmes ensuite le pays dans un petit panier traîné par un poney très doux, qu'elle conduisait elle-même, et toujours ensemble, heureux de ne pas nous quitter, nous vécûmes dans un cercle enchanté. « Tu es toute ta mère, » lui dis-je un soir, touché jusqu'aux larmes, pendant que, penchée sur moi, elle cherchait la page dans mon livre pour épargner un peu de fatigue à mes yeux vieillis. Suzanne me regarda soudain. Ses yeux bleus, pleins de tendresse, de bonne volonté, de douceur soumise, débordèrent de larmes pressées. Il se laissa glisser à genoux sur le tapis. « Qu'as-tu ? » lui dis-je, étonné, en la serrant dans mes bras. « Tu ne m'en veux donc pas, mon père chéri ? » me dit-elle. « Tu ne m'en veux donc pas d'avoir fait mourir maman à la peine ? » ?»« Quelle idée ! Ma Suzanne, mon enfant, d'où te vient cette pensée cruelle ? » ?»« C'est que, vois-tu ? » dit-elle en essuyant ses larmes, qui coulaient malgré elle. « J'ai pensé bien des fois que c'est ma faute si elle était morte. » Et je te trouvais si bon de ne pas m'en vouloir, de ne me l'avoir jamais reproché. Reprocher, ma Suzanne, mais tu l'as remplacée. Mais grâce à toi, je ne me suis jamais sentie seule. Oui, tu es bien la vraie fille de ta mère. Nous mêlâmes nos pleurs. Je ne rougis pas de le dire.